3, 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. John Michael Crichton est né le 23 octobre 1942 à Chicago, en Illinois. Il grandira à Long Island, à Roslyn, New York, et montra un vif intérêt pour l'écriture dès son plus jeune âge. C'est en effet à l'âge de seulement 14 ans qu'il écrira un article sur un voyage qu'il a fait à Sunset Crater, article qui sera alors publié dans le New York Times. Crichton avait toujours prévu de devenir écrivain et commencera ses études au Harvard College en 1960. Durant ses études de premier cycle en littérature, il sera confronté à un professeur qui, selon lui, lui donnait des notes anormalement basses, ce qui le découragera et le forcera à abandonner le département de littérature pour changer sa concentration de premier cycle, se spécialisant alors en anthropologie biologique. Après avoir reçu une bourse du Henry Russell Shaw Travel Fellowship de 1964 à 1965, le futur auteur s'inscrira à l'école en médecine de Harvard. Afin de financer ses études, il écrira des nouvelles ainsi que des romans sous les noms de plumes de John Lang et de Jeffrey Hudson, car il prévoyait devenir médecin et ne voulait pas que ses patients s'inquiètent de se voir utilisés dans ses histoires. Il remportera le prix Edgar du meilleur roman en 1969 avec A Case of Need, publié sous le pseudonyme de Hudson. Après avoir terminé sa troisième année à l'école de médecine, le jeune homme se rendra compte à quel point il détestait la médecine et réalisera que l'écriture était véritablement ce qu'il aimait faire. C'est alors qu'il commencera à publier des critiques de livres sous son nom véritable et décidera alors d'écrire son tout premier roman, publié sous le nom de Crichton. Œuvre qui s'avérera la plus importante de sa carrière, soit The Andromeda Strain. Ce sera ce livre qui l'établira comme auteur à succès. Alors qu'il travaillait au Boston City Hospital durant ses études médicales, Crichton obtiendra tout de même son diplôme en médecine de Harvard en 1969 et entreprit une étude postdoctorale au Salk Institute for Biological Studies à la Jolla, California de 1969 à 1970. Malgré cela, il n'obtiendra jamais sa licence pour pratiquer la médecine, se consacrant plutôt à sa carrière d'écrivain. En 1972, il écrira un livre intitulé « The Terminal Man ». Ce roman sera adapté en un film par la Warner Brothers, qui embauchera alors le jeune auteur pour adapter lui-même son roman en scénario. Malheureusement, les hauts dirigeants de la Warner Bros. Estimèrent qu'il s'était trop éloigné du matériel source et demanderont alors à un autre écrivain de réécrire le dit scénario. Mais cela n'arrêtera pas l'auteur. En effet, les dirigeants du poste de télévision ABC voulaient acheter les droits cinématographiques du roman Binary, écrit par Crichton. L'auteur acceptera de vendre ses droits à condition qu'il puisse réaliser lui-même le long-métrage. L'offre fut acceptée à condition que quelqu'un d'autre que Crichton écrive l'adaptation cinématographique. Le résultat final sera le long-métrage Pursuit, qui sera alors diffusé avec succès sur les ondes télévisuelles en 1972. Ce sera par la suite que Crichton écrira et réalisera le drame de science-fiction à petit budget de 1973, Westworld, ce qui deviendra alors son tout premier long-métrage cinématographique à titre de réalisateur. À travers ses œuvres littéraires à grand succès, on peut y retrouver les livres « The Great Train Robbery », The 13 Warrior, Congo, Jurassic Park, The Lost World, Sphere, Disclosure, Timeline, alors qu'au cinéma, il réalisera des films tels que Coma, Looker, Runaway et Physical Evidence. Il fut également le créateur et coproducteur de la série populaire ER, qui fut diffusée de 1994 jusqu'en 2009 sur les ondes du poste de télévision NBC. Michael Crichton mourra le 4 novembre 2008 d'un cancer du système lymphatique à l'âge de 66 ans. À sa mort, des ébauches de ses trois derniers romans seront retrouvées sur son ordinateur personnel, romans qui seront alors publiés suite à son décès, soit Pirate Latitudes, Micro et Dragon Teeth. Mais ce sera la toute première œuvre cinématographique de Crichton qui sera le point central de cette émission, alors que je jetterai un coup d'œil au film Westworld, distribué en salle en 1973, suivi de sa suite Future World, qui sera distribuée, lui, en 1976. J'en profiterai par la suite pour vous parler également des deux séries télé qui verront le jour dans cette franchise, soit la série Beyond Westworld qui sera présentée en 1980, ainsi que l'excellente série de science-fiction Westworld, produite de 2016 jusqu'en 2022 par le producteur américain J.J. Abrams. Donc, rendez-vous à un parc d'attractions de la compagnie Delos le plus proche de chez vous et préparez-vous à vivre l'expérience de votre vie aux côtés de robots meurtriers alors que je vous parlerai de l'univers cinématographique et télévisuel totalement délirant de Westworld. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive. Hi, Ed Renfrew for Delos again. If there's anyone who doesn't know what Delos is, well, as we've always said, Delos is the vacation of the future today. At Delos, you get your choice of the vacation you want. There's Medieval World, Roman World, and of course, Westworld. Let's talk to some of the people who've been there. Pardon me, sir. What is your name? Gardner Lewis. Just got back from Westworld. Tell us how you liked it, Mr. Lewis. When you played cowboys and Indians as a kid, you'd point your fingers and go bang, bang, and the other kid would lie down and pretend dead. Well, Westworld is the same thing, only it's for real. I shot six people. Well, they weren't real people. What Mr. Lewis means is he shot six robots, scientifically programmed to look, act, talk, and even bleed, just like humans do. Now, isn't that right? Well, they may have been robots. I mean, I think they were robots. I know they were robots. Yes, the robots of Westworld are there to serve you and to give you the most unique vacation experience of your life. Thank you, sir. And you, madam? Hello. Well, what is your name? My name is Janet Lane, and I was in Roman World. What is the one thing that stands out in your mind about Roman World? Oh, well, I think it would be the man. I just feel marvelous. I mean, it's just a warm, glowing place to be. Thank you very much. Oh, thank you very much. Goodbye. Goodbye. And you, sir? Yeah? What is your name, sir? Oh, I'm Ted Mann. I'm a stockbroker from St. Louis. And which world did you just come from, sir? Oh, you're not going to believe this, but I've just been the sheriff of Westworld for the last 2 weeks. Did it seem real to you, sir? It's the realest thing I ever done. I mean that. Thank you very much. Yeah. And you, sir? Well, my name's Arthur Kane. I've been in the castle. I've had a couple of sword fights and three jousts, and I married a beautiful princess. Is that something you always dreamed of doing, sir? All my life. Well, there are some of the comments of the people who just returned from Delos. Why don't you make arrangements to take our hovercraft to Medieval World, Roman World, and West World? Was it worth $1,000 a day? Contact us today, or see your travel agent. Boy, have we got a vacation for you. And now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. MGM presents Westworld. Your attention, please. We will soon be landing at Westworld, the ultimate resort. We have you on grid 5, over. It consists of three worlds of the past. Locking in now. Worlds where you can live out your every fantasy. There's Roman World, the lusty, decadent delights of Imperial Pompeii. Notify ground crews. Medieval World, chivalry and combat in 13th century Europe. And Westworld, lawless violence on the American frontier of the 1880s. Bacon, cinnamon toast. Each resort is maintained by reliable computer technology and peopled by lifelike robot men and women. Let's stand by for resort activation. Ready on 6, on 5, on 4, on 3, on 2. Activate now. Our robots are programmed to provide you with an unforgettable vacation. Dinner at 7, breakfast at 6:30. Get lunch on your own. Don't look like much here, but we have everything. You mean to tell me he's a robot? What'll it be? Vodka martini on the rocks with a twist of lemon. Very dry, please. Just give him whiskey. He's new in town. Many elements of the Delos Resort are potentially dangerous. That's part of the appeal. Go on. You say something, boy. Kill him. Your move. Our technology is designed to provide all this in complete safety. In Westworld, frustrations find release. Desire ends in satisfaction. Funny handling. And all in a controlled environment. That's not supposed to happen. We know you'll enjoy your stay in Westworld. Hold it. The ultimate resort. Let me do it this time. Where nothing can possibly go wrong. I'm shot. Go wrong. Raw. Go wrong. Oh, my God. Shut down. Shut down immediately. Westworld from MGM, starring Yul Brynner, Richard Benjamin, and James Brolin. Westworld, the ultimate resort. Boy, do we have a vacation for you, for you, for you, for you. Westworld, ou Le Monde de l'Ouest, est un drame de science-fiction qui a été distribué en salle par les studios Metro-Goldwyn-Mayer le 17 août 1973. Ce film américain d'une durée de 88 minutes a coûté 1,2 million de dollars à produire et amassera plus de 10 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Michael Crichton, lui qui a mis en scène les films The Great Train Robbery, Coma et Looker. Au niveau de la production, eh bien, c'est le producteur américain Paul Lazarus III qui, lui, avait produit les films Capricorn One, Future World et Hanover Street. Et au niveau de la scénarisation, eh bien, on y retrouve le scénariste américain Michael Crichton, lui qui a écrit les scénarios de Twister, Extreme Close-Up et Rising Sun. Dans la distribution, on y retrouve les acteurs Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin, Norman Bartold, Alan Oppenheimer, Victoria Shaw et Dick Van Patten. Un parc d'amusement offre à ses visiteurs la possibilité de vivre dans le cadre et les mœurs de trois époques différentes, soit l'Ouest américain, le Moyen-Âge européen ou la Rome antique. Des robots parfaitement mis au point grâce à l'électronique simulent les partenaires d'aventure des autres et imitent à s'y méprendre les actions humaines. Mais, un jour, le système se détraque et les robots s'attaquent alors aux visiteurs, forçant alors l'un d'eux à confronter un pistolero automatisé comprenant toutes les dernières trouvailles technologiques. Suite à la publication de son 11e roman, Binary, un roman techno-thriller qu'il avait écrit sous le pseudonyme de John Lang, Michael Crichton sera alors approché par le vice-président de la ABC, Barry Diller, qui désirait alors acheter les droits cinématographiques du dit roman pour en faire un film qui serait alors diffusé sur la chaîne télévisée durant le ABC Film of the Week où, à toutes les semaines, un nouveau film de moins de 90 minutes y était alors présenté. Crichton profitera de l'occasion pour exiger de faire lui-même la réalisation du long-métrage, ce à quoi Diller acquiescera à condition qu'un écrivain plus expérimenté, soit Robert Dozier, ne s'occupe de l'écriture du scénario. Le tournage de 11 jours aura lieu en avril 1972 et le film sera alors diffusé sur ABC en décembre de cette même année, le livre étant lui-même publié 4 mois plus tôt, soit en août. Intitulé Pursuit, le résultat final sera un énorme succès au niveau des audiences. Fort de cette réussite, le jeune cinéaste désirait maintenant réaliser un film pour le grand écran. Ce dernier ne souhaitait cependant pas faire ses débuts au cinéma avec de la science-fiction, mais ce sera la seule manière pour lui d'obtenir la confiance d'un studio de production. Cherchant un concept pour sa prochaine production, ce sera durant la visite du Centre spatial Kennedy qu'il eut ses premières idées de conception pour Westworld. En effet, voyant comment les astronautes étaient entraînés et réalisant qu'ils étaient vraiment entraînés pour agir comme des machines, l'auteur associera alors cette vision à celle du parc d'attractions de Disneyland suite à une visite de l'attraction de Pirates of the Caribbean. Cherchant tout d'abord à écrire son histoire sous forme de roman, l'auteur verra très rapidement la complexité de la chose et décidera alors de faire de son concept un scénario de film. C'est alors que son agent lui présentera le producteur Paul Lazarus III. Lazarus avait également été un agent d'acteur avant de débuter comme producteur sur le documentaire de 1971 « The Cell, Part 1 ». Devenant rapidement ami, les deux hommes décideront alors de faire un film ensemble. Le scénario final fut écrit en août 1972 et sera alors proposé à tous les grands studios qui refusèrent celui-ci, principalement à cause du manque d'expérience de Crichton à titre de réalisateur. Ce sera finalement les studios Metro-Goldwyn-Mayer, alors sous la direction de Dan Melnick et du président James T. Aubrey, qui accepteront de produire et distribuer le long-métrage. Cela sera immédiatement un problème car les studios MGM étaient réputés à cette époque pour leur mauvais traitement envers de jeunes réalisateurs, ces derniers s'étant plaints amèrement de la pression déraisonnable exercée sur ceux-ci, des changements de script arbitraires, de post-production inadéquates et de recoupes cavalières lors du montage final. N'ayant d'autre choix, Crichton acceptera l'offre de 1 million de dollars de la compagnie. Comme de fait, la pré-production sera extrêmement difficile, les exécutifs de MGM exigeant des changements de script jusqu'au premier jour de tournage. De plus, les acteurs, eux, ne seront signés que 48 heures avant le début du tournage. à souligner ici la participation de l'actrice Majel Barrett, femme du créateur de Star Trek Gene Roddenberry, dans le rôle de la dirigeante de la Maison de plaisir dans le monde de l'Ouest. Ce sera Crichton qui fera appel à l'acteur Yul Brynner pour jouer dans son film. Voulant rendre hommage au vieux western de l'époque, le réalisateur-scénariste choisira l'acteur à cause de son rôle légendaire dans le film de 1960 The Magnificent Seven. D'ailleurs, Crichton s'assurera que le costume porté par Brynner soit exactement le même que celui que portait l'acteur dans le film de 1960, costume que ce dernier avait conservé d'ailleurs suite au tournage de Magnificent Seven. Brynner acceptera à contre-cœur de participer à la production pour moins de 75 000 $, l'acteur souffrant de difficultés financières au début des années 70. Pour le reste de la distribution, Crichton n'aura pas vraiment un mot à dire. Très tôt durant la pré-production, il apparaîtra impossible au jeune réalisateur de faire son film avec le budget alloué et les exécutifs de MGM accepteront finalement d'augmenter le budget de plus de 250 000 $. Au final, ce 250 000 $ additionnel servira au salaire des acteurs. Plus de 400 000 $ seront alors remis aux différents techniciens travaillant sur la production, alors que 75 000 $ sera versé pour les différents décors. Le reste du budget ira sur les effets techniques et visuels du long métrage. Ce sera le concepteur des décors Herman Blumenthal qui fut embauché pour le tournage. Avec son maigre budget de 75 000 $ l'homme créera plus d'une vingtaine de sets différents, couvrant plus de 200 pieds carrés au total, chaque décor devant être réutilisé plus d'une fois et de manière différente. Citons par exemple un corridor souterrain qui sera utilisé pour 9 séquences différentes avec 6 changements de lumière afin de faire croire à l'auditoire qu'il s'agissait ici d'un corridor différent. Puis, l'équipe de production arrachera l'un des faux murs pour utiliser ce même couloir, maintenant élargi comme zone de réparation des robots. De plus, de nombreux décors et costumes qui apparurent dans d'autres productions cinématographiques et télévisuelles furent également utilisés. Au niveau de la direction photo, Crichton se tournera vers Gene Polito. Polito avait travaillé sur des films tels que Colossus, The Forbidden Project et Prime Cut. Comme l'équipe de production ne possédait qu'un mince budget, la vaste formation technique en tant qu'ingénieur de Polito permettra à ce dernier, qui était un homme extrêmement bien organisé, de sauver la production plus d'une fois. Le directeur photo devait composer avec un large éventail d'effets spéciaux nouveau genre et de problèmes techniques difficiles, se devant de filmer certaines scènes avec l'aide d'une projection frontale sur des écrans placés derrière les acteurs, ces derniers possédant alors des lentilles de contact à miroir donnant un effet spectaculaire au niveau des yeux, surtout dans le cas de Brynner. Chaque journée de tournage pouvait inclure plus d'une cinquantaine de plans-séquences différents, quelque chose qui semblait au début presque impossible. De plus, Crichton désirait que son film soit une suite de clichés afin de rendre hommage aux vieux films de western qui firent la renommée d'Hollywood pendant tant d'années. L'un de ces clichés était l'utilisation de plans de grue arbitraires qui permettaient à la caméra de se déplacer de haut en bas sans aucune raison, sauf pour reproduire la façon dont étaient filmés les vieux films western de l'époque. Le tournage débutera le 6 mars 1973 et durera jusqu'au début avril. Westworld sera filmé dans plusieurs endroits, dont le désert de Mojave, les jardins du domaine Harold Lloyd, qui seront vendus 2 ans plus tard, plusieurs studios de la MGM, à Sherwood Lake Ranch et sur le Backlot MGM. D'ailleurs, c'était l'un des derniers films à y être tourné avant que celui-ci ne soit vendu à des promoteurs immobiliers, puis démoli. Encore une fois, à cause du faible budget de production, l'horaire de tournage sera si serré qu'aucune erreur, faute ou problème ne pouvait survenir. Malgré cela, il y a eu plusieurs blessures légères pendant le tournage. 2 semaines après le début de la production, un morceau d'une cartouche à blanc frappera Yul Brynner à l'œil au cours d'une scène de fusillade, lui grattant la cornée et l'empêchant alors de porter ses lentilles, car son œil blessé devenait alors rouge et se mettait à pleurer. Le calendrier de production sera alors changé pour permettre à son œil de récupérer avant de reprendre le tournage avec l'acteur. De plus, Crichton était un adepte des acteurs qui effectuaient leur propre cascade. Alors que la production en était à sa dernière journée de tournage, durant laquelle le personnage interprété par l'acteur James Brolin devait être mordu par un serpent à sonnette, celui-ci sera véritablement mordu par le serpent. La scène sera filmée à l'aide d'une photographie inversée, ce qui veut dire que le serpent était attaché au bras de Brolin, puis retiré. Pour cette séquence, le serpent vénéneux fut trait de son venin, puis attaché au bras de l'acteur, qui portait alors sous sa chemise un coussin en cuir et un coton conçu pour protéger son bras. Cependant, il sera tout de même mordu par les petites dents de la mâchoire inférieure du serpent. Il n'y a eu aucun effet néfaste, mais il y eut une bonne frayeur pour l'acteur. Brolin s'était en plus récemment cassé une jambe en faisant des cascades sur une autre production et craignait des nouvelles blessures. Son rôle exigeant un personnage sans peur, l'acteur démontrera une confiance telle que pendant toutes ses séquences de cascades, l'auditoire ne soupçonnera jamais son appréhension. D'un côté plus amusant, l'acteur Richard Benjamin n'avait jamais fait de rôle physique auparavant. Sa toute première cascade l'obligera à être jeté sur un poteau qui se cassera alors à l'impact. Il frappera le poteau si fort que la moitié du plateau de tournage s'écrasera alors sur lui, incluant les rideaux, lumière et autres parties de décor. Il ressortira de sous les décombres le sourire aux lèvres, heureusement sans aucune blessure. Surviendra par la suite les difficultés techniques. En effet, Westworld sera le tout premier long-métrage à utiliser le traitement numérique de l'image. Afin de reproduire le point de vue du Gunslayer, Crichton savait qu'il était possible de numériser des images avec un ordinateur, puis de reconstituer ces images sous une autre forme, mais ce dernier ne savait pas si ces techniques pouvaient s'appliquer au cinéma. Après avoir fait la rencontre de plusieurs experts informaticiens, qui prétendront que c'était impossible, ce sera finalement l'infographe John Whitney Jr. qui prétendra en être capable. Whitney se rendra au Information International Incorporated, où il travaillera la nuit afin de terminer l'animation plus rapidement, et ce, à moindre coût que les 200 000 $ qu'il en coûtait à l'origine pour réaliser les quelques 2 minutes et 31 secondes de séquence. Westworld sera également le tout premier film à utiliser le terme « virus informatique », terme qui est omniprésent de nos jours, mais qui était alors totalement inconnu en 1973, car personne ne possédait encore d'ordinateur personnel. Westworld est donc crédité d'avoir inventé ce terme, et ce, afin d'expliquer le dysfonctionnement des robots dans le film. Un autre problème technique fut de brûler le visage du Gunslayer avec de l'acide. Ce sera finalement le maquilleur Frank Griffith qui trouvera la solution en optant pour un mélange de maquillage et d'alka-seltzer, une substance qui pétillait et bouillonnait au contact de l'eau. Cependant, cette technique avait un problème, soit la fumée créée par la réaction. En effet, cette dernière était extrêmement irritante pour le nez et les yeux. La journée du tournage de la fameuse scène, l'acteur Yul Brynner souffrait de maux d'estomac. Malgré cela, l'acteur sera capable de tourner la séquence non pas une, mais deux fois. Ce sera un effort remarquable de sa part, le comédien explosant dans une crise de toux dès la fin de chaque prise. Le rythme de travail rapide créera un extraordinaire esprit de camaraderie sur le plateau de tournage, les acteurs étant extrêmement généreux les uns envers les autres et tous les membres de l'équipe de production s'entraidant en cas de problème. Du côté de la partition musicale, celle-ci sera composée par Fred Carlisle, qui utilisera ici un mélange d'influences de musique occidentale traditionnelle et de musique d'époque avec des utilisations créatives de segments électroniques et expérimentales. Deux semaines après la fin du tournage, Crichton verra la première version du montage final qu'il considérera alors horrible et ennuyeuse. Le film sera alors présenté aux exécutifs de la MGM. Certains d'entre eux aimeront, mais le sentiment général était que c'était un désastre. Ceux-ci accepteront que Crichton retourne quelques scènes additionnelles, dont une publicité télévisée qui sera présentée au tout début du long-métrage. À cause d'une grève des scénaristes qui sévissait alors à cette époque, cette séquence sera écrite par Steve Frankfurt, un publicitaire new-yorkais. De plus, les images générées par ordinateur de John Whitney avait pris plus de temps que prévu, le processus demandant plus de 8 heures afin de produire seulement 10 secondes de film. Par la suite, des problèmes complexes avec la balance des couleurs et du contraste rallongèrent de nouveau les délais. Ce sera finalement le monteur du film David Bretherton qui calmera le jeune réalisateur et après un mois de remontage, un second visionnement sera alors fait par les dirigeants de la MGM qui apprécièrent les améliorations apportées au produit final. Une avant-première devant public sera alors demandée avec un public sélectionné de gens ordinaires qui n'incluraient aucun cinéphile. Si la réaction était bonne, MGM sortirait le film, mais si la réaction devait être défavorable, celui-ci serait alors écarté. La réaction des spectateurs fut extraordinaire, une note moyenne de 95% de satisfaction ayant été obtenue, la plus haute note jamais obtenue pour un prévisionnement par un auditoire. Westworld deviendra le meilleur box-office de la MGM pour l'année 1973, amassant plus de 2 millions de dollars durant sa semaine d'ouverture. Le succès du film sera attribué aux résultats de la stratégie du roadshow de MGM, qui voulait que le studio présente le film simultanément dans plus de 250 salles à Chicago, Détroit et Cleveland, sans projection avancée pour les critiques, garantissant ainsi que les critiques négatives ne nuiraient pas au box-office. Suite au succès de cette première période de 2 semaines, MGM distribuera alors le long-métrage dans plus de 200 salles additionnelles. À la fin de 1973, le film avait amassé plus de 4 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. Le film sera alors redistribué en salle en 1976, juste avant la sortie de sa suite Future World, amassant ainsi un total de 7,3 millions de dollars au box-office nord-américain. Le scénario original de Crichton sortira sous forme d'un livre de poche grand public en conjonction avec le film de 1973. Après la sortie de son long-métrage, Crichton prendra une année sabbatique, étant tout simplement épuisé par la réalisation de son œuvre et en profitera pour écrire son prochain roman, soit The Great Train Robbery. Il faudra attendre plus de 5 années avant de revoir Michael Crichton au poste de réalisateur pour le film Coma en 1978. En 1996, un jeu vidéo portant le nom de Westworld 2000 sera produit et distribué sur le marché par la compagnie Baron Press Multimédia. Du côté des points forts, eh bien, Westworld est un excellent hommage aux films des westerns des années 50 et 60, le tout agrémenté d'une touche de science-fiction style des années 70 qui font en sorte que ce voyage chez Delos est un bon petit moment à passer devant l'écran afin d'oublier ses tracas du moment. La réalisation de Crichton ici est assez imaginative, le metteur en scène nous montrant tout de même une certaine assurance visuelle malgré son manque d'expérience technique. La distribution est adéquate pour ce film qui ne cherche qu'à faire une seule chose, soit amuser son auditoire. D'ailleurs, la mise en place est parfaite et les explications de l'univers sont placées intelligemment dans l'histoire, le personnage principal en étant à sa toute première visite, tout comme nous, dans le parc d'attractions et demandant des questions dont nous avons nous-mêmes besoin des réponses pour comprendre ce qui se passe. Au final, un concept extrêmement original pour l'époque, un genre de pré-Terminator doté d'un excellent suspense durant la dernière demi-heure qui garde toujours en tête que la simplicité égale l'efficacité. Mais du côté des points faibles, eh bien, le rythme est assez lent, ce qui pourrait ennuyer les amateurs de films d'action. De plus, le scénario est assez superficiel, ne nous expliquant tout simplement pas pourquoi les machines se révoltent contre leur créateur. De plus, la poursuite entre le personnage principal et le Gunslayer manque de punch quelque peu. Au final, les défauts de Westworld sont principalement dus à un budget très restreint, suivi d'un tournage rapide, ne permettant pas au réalisateur d'apporter de la profondeur dans son histoire. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Fred Carlisle qui nous a donné les musiques des films Future World, Mastermind et Greased Lightning. Je vous fais écouter ici la musique thème de Westworld. Attentionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of Taste Thrill Treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. You've seen the show. It was quite a treat. But now you'd like something to eat. So right this way to the concession stand serving Castleberries, the best in the land. Yes, sir. Castleberries is real southern barbecue. Choice cuts of meat slowly cooked over open pits of smoldering oak coals for honest-to-goodness barbecue flavor. You'll also find hot coffee, cold soft drinks, and delicious ice cream in our snack bar to go with your Castleberry sandwich. Just look at that generous helping of rich, juicy barbecue. Yum, yum! You are our spark, our inspiration. We build technologies that push the limits of this world and offer an escape route to new ones. For over 30 years, our Delos Destination Sparks have redefined possibilities, identity, and even reality as we know it. And it all started with Westworld. One man's dream brought to life with scientific advancements only Delos could provide. Expanded into an entire universe only Delos could imagine. Places without limits, bespoke and tailored just for you. Where sparks fly. It feels like magic. Because it's better than real. It's life without limits. See your next movie completely free. And now, on with the show. In 1972, Delos was open to the public. It consisted of three fantastic vacation resorts: Roman World, Medieval World, and Westworld. It was a computerized paradise where nothing could go wrong, but something did. Now, in 1976, Delos is about to reopen. We have invested more than $1.5 billion to rebuild our equipment. Its problems have been corrected. We have replaced every circuit. Its technology has been perfected. The new Delos is not only the most fantastic resort in human history, it is also fail-safe. And an incredible new world has been created. American International presents Future World, starring Peter Fonda, Blythe Danner, Arthur Hill, and Yul Brynner as the gunslinger. Program the blast-off sequence. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Welcome to Future World, the ultimate vacation resort, fully programmed for your pleasure, where, for only $1,200 per day, you can experience anything you can imagine, and a few things you can't. My knight to your pawn. Prepare the Martian ski sequence for 5 guests and return power to grid 3. Future World, where every day is an exciting new adventure. Where your fantasies become reality. Where highly sophisticated technician, maintenance, and servant series robots work together to make your wildest dreams come true. Take us both. You can take risks, face danger, defy death. All in complete comfort and total safety. Safety, safety, safety. You will never harm Delos. They're duplicates. You will do what Delos instructs you to do. They're creating and programming duplicates of real people. You will destroy your original. I will destroy my original. Peter Fonda, Blythe Danner, Arthur Hill, and Yul Brynner. Even those of us who create them can't tell the original from the duplicate. In Future World, If you can afford to go there, you're lucky. If you can't, you may be luckier than you think. Future World, ou Les Rescapés du futur, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Metro-Goldwyn-Mayer le 14 juillet 1976. Ce film américain d'une durée de 107 minutes a coûté 2,5 millions de dollars et amassera 4,2 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au niveau de la réalisation, eh bien, c'est le réalisateur Richard T. Efron, ce réalisateur américain qui nous avait donné les films Pancho Barnes et Fooling Around. Au niveau de la production, eh bien, c'est Paul Lazarus III, ce producteur américain qui avait produit les films Dillinger et Gone Crazy, qui sera ici assisté par James T. Aubrey Jr., ce producteur américain qui nous avait donné les films Record City et Dallas Cowboy Cheerleaders 1 et 2. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Mayo Simon, lui qui avait écrit les scénarios de Fast 4, Marooned et The Man from Atlantis, la série télé, qui écrira ici le scénario aux côtés de George Schenck, ce scénariste américain qui nous avait donné The Phantom of Hollywood et qui a travaillé également sur la série télé de NCIS. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Peter Fonda, Blythe Danner, Arthur Hill, Yul Brynner, John Ryan, Stuart Margolin, James M. Conner et Alan Ludden. Deux journalistes sont invités à venir constater la rénovation et le bon fonctionnement du parc d'amusement de Delos, dont la réputation a été compromise par un incident fâcheux quelques années auparavant, et découvrent alors un plan dangereux des administrateurs du parc d'attractions futuriste. Suite au succès de Westworld, les exécutifs de la MGM décidèrent de développer l'univers de Crichton en offrant la possibilité à l'écrivain cinéaste de lui donner une suite, ce qu'il déclinera, estimant qu'il avait déjà tout dit sur le sujet. On se tournera alors vers le producteur du premier long-métrage, Paul Lazarus III, qui développera alors une idée où les robots serviront ici à cloner les leaders mondiaux et à prendre leur place. L'acteur Richard Benjamin, qui était la vedette principale de Westworld, approchera alors Lazarus pour l'assister dans ses tâches de producteur. Ce seront les scénaristes Mayo Simon et George Schenck qui seront embauchés pour écrire le script, qui ira alors dans une direction complètement différente de son prédécesseur. Par la suite, Lazarus embauchera le metteur en scène Richard T. Efron, fort d'une longue expérience comme réalisateur de téléfilms et d'épisodes de séries télévisées. Il s'agira ici du second long-métrage au cinéma pour Efron. Cependant, les exécutifs de la MGM décidèrent de ne financer qu'un seul film de science-fiction cette année-là, se concentrant surtout sur Logan's Run, laissant tomber par le fait même le projet de suite de Westworld. Lazarus aura du mal à trouver une nouvelle maison de production pour financer son nouveau long-métrage, les autres studios étant méfiants de l'abandon de MGM pour le projet, d'autant plus que le film original avait été un succès financier. Cela forcera également le départ de Benjamin de la production. C'est alors que Lazarus sera approché par l'ancien président de la MGM, James T. Aubrey, qui s'associera avec lui pour la production de ce qui deviendra Future World. Aubrey approchera alors le légendaire producteur Samuel Z. Arkoff, éminent spécialiste de la série B, dont le nom restera éternellement lié à celui du producteur-réalisateur Roger Corman. Arkoff était propriétaire alors de la maison de production American International Pictures, également connue sous le nom de AIP. Cependant, la compagnie AIP était une société de cinéma possédant des fonds monétaires moindres que la MGM. Mais cela n'arrêtera pas les deux producteurs qui accepteront alors le budget de 2,5 millions pour faire le long-métrage. 100 000 $ seront alors donnés pour acheter les droits de produire le long-métrage au studio MGM qui accepteront alors de distribuer le film et un autre 100 000 $ sera donné à Michael Crichton pour les droits de Crichton pour l'utilisation de son univers de Westworld. Peter Fonda et Blythe Danner seront alors par la suite embauchés pour les deux rôles principaux, alors que Yul Brynner sera de retour dans le rôle du Gunslayer, le seul acteur de la distribution originale à revenir pour cette suite. Il s'agira ici de l'avant-dernier film de Brenner dans sa carrière, celui-ci apparaissant dans un autre film durant l'automne 1976, soit le drame policier italien Death Ridge. Brenner décédera d'un cancer du poumon le 10 octobre 1985 à l'hôpital de New York à l'âge de 65 ans. Ce sera également le dernier rôle à l'écran de l'actrice Angela Green, celle-ci décédant presque 2 ans plus tard des suites d'un accident vasculaire cérébral quelques jours avant son 57e anniversaire. Cependant, Future World marquera les débuts au grand écran de l'animateur de longue date de jeux télévisés, Alan Ludden. Très tôt en pré-production, les producteurs visiteront les emplacements de la NASA et décidèrent d'utiliser les lieux comme décor du film, leur budget ne leur permettant pas de reproduire ces emplacements. Le scénario sera alors réécrit en partie afin de pouvoir utiliser à pleine capacité le visuel époustouflant de ces emplacements. Le tournage de 4 semaines aura lieu entre février et mars 1976. Les installations de la NASA à Houston, au Texas, seront utilisées gratuitement, la compagnie AIP ne payant que pour la sécurité supplémentaire ainsi que les heures supplémentaires des employés de la NASA qui participèrent au projet. Ces emplacements comprenaient le centre de contrôle de mission utilisé pour les missions lunaires Apollo ainsi que la plupart des principaux bâtiments du centre. AIP se devra de négocier avec les entrepreneurs privés et les compagnies sous-traitantes qui utilisaient ces espaces. Au final, certaines scènes du long-métrage seront tournées au Johnson Space Center, au Jesse Jones Hall of the Performing Arts, ainsi qu'à l'aéroport intercontinental George Bush. Durant la production, le calendrier de tournage dut être ajusté en raison du manque d'expérience de l'équipe de tournage en matière d'éclairage et de câblage pour le son dans des chambres aussi gigantesques que celles utilisées dans les locaux de la NASA. Durant le tournage, une fusée à hélice sera accidentellement endommagée lorsque cette dernière tombera du véhicule de transport sur lequel elle se trouvait. Cela retardera la production d'une journée. Pour la séquence du bar de Future World, ce sera l'un des sets du film Logan's Run, soit celui de l'appartement même de Logan, qui sera utilisé. Future World sera le tout premier long-métrage à utiliser l'imagerie 3D générée par ordinateur, ce que l'on connaît aujourd'hui sous le terme CGI. Alors que Westworld fut le premier film à utiliser le traitement informatique pour pixeliser numériquement une image, du côté de Future World, ce sera Ed Catmull, futur cofondateur de la compagnie d'animation Pixar, qui réalisera la séquence où apparaîtra une main en animation 3D sur l'écran d'un technicien. La main animée était une version numérisée de la main gauche d'Edwin Catmull, tirée de son court-métrage expérimental de 1972, A Computer Animated Hand. Quant au visage animé, ce dernier sera tiré du court-métrage expérimental Faces and Body Parts de Fred Park, réalisé en 1974. Une autre première pour le long-métrage, il s'agira ici du tout premier film hollywoodien à être distribué à grande échelle sur le marché chinois. Cela se fera en 1979, soit 3 ans après sa sortie sur le marché nord-américain, après que le président Jimmy Carter ait développé d'importantes relations diplomatiques avec ce pays. Le film sera mal reçu à sa sortie, ayant de la difficulté à faire ses frais. Malgré cela, Future World remportera le prix du meilleur film de science-fiction de 1976 au Academy of Science Fiction and Fantasy Film. Suite à cet échec au box-office, il faudra attendre plus de 4 années avant de revoir les exécutifs de la MGM revisiter le parc d'attractions maudit de Delos. La science-fiction étant extrêmement populaire à la fin des années 70, ce sera le scénariste et producteur américain Lou Shaw, un vétéran de la télévision, qui se verra alors offrir le rôle de développer une série télé basée sur la création de Michael Crichton. Shaw, dont la carrière remontait au temps des Studios 57, était le co-créateur de la populaire série Quincy et avait travaillé sur la scénarisation d'épisodes des séries Columbo, The Six Million Dollar Man et Mission Impossible. Cette série partait du concept que les robots de Westworld tuaient les clients de Delos non pas parce qu'ils avaient développé une forme de conscience de soi, mais parce qu'un savant fou dérangeait les contrôlait secrètement. Dans chaque épisode, ce sera la mission du chef de la sécurité de Delos Corporation et de sa partenaire d'identifier un robot se cachant parmi les humains dans des endroits aussi variés qu'un sous-marin nucléaire ainsi qu'un groupe rock. Les exécutifs de MGM demanderont la création d'un pilote de 2 heures qui sera alors suivi de 4 épisodes d'une heure. CBS acceptera le concept et donnera alors la date du 12 mars 1980 comme date initiale pour la diffusion du pilote. La distribution sera alors choisie et ce sera les acteurs et actrices Jim McMullen, James Wainwright, Connie Selleca, William Jordan, Severn Darden et Nancy Harwood qui seront choisis pour occuper les rôles principaux. Les décors seront alors construits au studio MGM Culver City en décembre 1979 et la série entrera alors en production, servant alors de remplacement à CBS pour la mi-saison du printemps 1980. CBS diffusera le tout premier épisode le 5 mars 1980, mais malheureusement, les codes d'écoute furent désastreuses. Ce sera durant le tournage du 5e épisode sur un circuit automobile du lac Pirou que les exécutifs de la MGM apprendront que leur série était cancellée après la diffusion de seulement 3 épisodes, forçant ainsi l'arrêt du tournage. Les 2 derniers épisodes furent tout de même montés, mais ne seront jamais diffusés à l'antenne du canal de télévision américain. Ces derniers seront cependant présentés sur le DVD de la série complète de Beyond Westworld qui sera distribuée par Warner Brothers en juillet 2014. Bien que la série sera de courte durée, celle-ci recevra tout de même 2 nominations aux Emmy Awards pour son maquillage et sa direction artistique. Ignorant le film Future World, bien qu'elle conservait le concept des sosies androïdes du film, Beyond Westworld conservera les services du concepteur sonore Richard S. Church qui avait travaillé sur le film de Future World. Suite à sa cancellation, il faudra attendre les années 1990 avant de revoir naître un projet sur la franchise. En effet, les exécutifs de la Warner Bros. Exigeaient un remake de Westworld et ce, dès le début des années 90. 12 ans plus tard, ce sera l'acteur Arnold Schwarzenegger qui se montrera alors intéressé à jouer le personnage du Gunslayer dans un remake du film de 1973 et qui signera comme acteur principal ainsi que producteur du long-métrage. Mais ce dernier deviendra alors gouverneur de la Californie, mettant donc un terme aux 10 projets. Quelques années plus tard, le réalisateur Tarsem Singh, qui avait mis en scène l'excellent film « The Cell », fut brièvement attaché au projet, mais dut abandonner également. Le remake du long-métrage de Crichton ne verra finalement jamais le jour. Ce ne sera pas avant le départ de la directrice des studios Warner Brothers, Jessica Goodman, en 2011, que le projet de remake ne sera de nouveau pris en considération. Le producteur Jerry Weintraub avait poussé pour un remake pendant des années et après son succès sur HBO de son film « Behind the Candelabra », il convaincra les hauts dirigeants du poste de télévision HBO de donner le feu vert à un pilote. Il confiera alors le projet à Jonathan Nolan, frère du réalisateur Christopher Nolan, et à son épouse, la scénariste Lisa Joy, qui verront alors le potentiel du concept pour faire quelque chose de plus ambitieux que le film original. Le 31 août 2013, les exécutifs d'HBO commanderont alors un épisode pilote. Produit par J.J. Abraham, Brian Burke et Jerry Weintraub, pour un montant d'environ 25 millions de dollars, Nolan et Joy prendront la décision alors de centrer la série sur les androïdes et non sur les humains. Une diffusion pour 2015 sera alors annoncée. Ce sera l'acteur Anthony Hopkins et l'actrice Evan Rachel Wood qui seront les premiers à être annoncés. Jeffrey Wright, Rodrigo Santoro, Shannon Woodward, Angela Sarafian et Simon Quaterman intégreront alors la distribution, suivis par James Martson, Ed Harris et Tandy Newton. Pour les acteurs Anthony Hopkins et Ed Harris, il s'agira ici de leur première participation en carrière à une série télévisée. Miranda Otto sera également embauchée, mais sera par la suite écartée de la production lorsque le personnage qu'elle devait incarner dans le pilote dut être totalement réécrit. L'actrice Tessa Thompson ainsi que l'acteur Luke Hemsworth obtiendront par la suite des rôles principaux qui dureront jusqu'à la fin de la série. Il fut rapidement décidé de prendre 2 années pour produire chaque saison, une première dans le domaine télévisuel. C'est pour cette raison que chaque acteur et actrice signera un contrat de plusieurs saisons dès leur embauche. Au niveau musical, ce sera le compositeur Ramin Djawadi qui sera embauché pour écrire et produire la bande originale de la série. Djawadi était déjà fort occupé par la création de la musique de la populaire série télé Game of Thrones, diffusée sur la même chaîne, ainsi que sur la série Persons of Interest, qui était diffusée sur CBS et qui était également produite par Nolan et Abraham. Mais le fait que les saisons soient réalisées aux 2 ans permettra alors à Djawadi d'accepter ce projet ambitieux. Suite à la présentation aux exécutifs d'HBO du pilote de la série, ceux-ci donneront alors le feu vert à une saison de 10 épisodes avec un budget global estimé à plus de 100 millions de dollars, soit 2 fois plus que le budget de Game of Thrones, ses coûts de production étant alors partagés entre la chaîne HBO et Warner Brothers Television. Dès le début de la pré-production, il est décidé que la série serait filmée sur pellicule de film 35 mm malgré les difficultés à trouver des stocks de films auprès des rares fabricants, notamment Kodak. Westworld sera alors tourné à Utah, autour de Moab, Castle Valley et Fisher Valley, à proximité du fleuve Colorado, dans le parc national des Arches. D'autres scènes seront également tournées dans le parc national de Canyonlands, ainsi que le parc d'État de Dead Horse Point. Les scènes intérieures et extérieures urbains seront tournées en Californie, dans les backlots des studios de la Warner Bros. Et de la Universal Pictures, ainsi qu'au Melody Ranch de Santa Clarita, au Big Sky Movie Ranch de Simi Valley et au Paramount Movie Ranch d'Agoura Hills. La production connaîtra cependant des difficultés, car le projet avait débuté rapidement alors qu'il n'y avait que quelques épisodes d'écrits. La complexité de l'histoire et surtout de la qualité visuelle du projet forcera alors l'annonce du report de la diffusion prévue au départ en 2015 pour l'automne 2016. Durant la réalisation de Westworld, le président Jerry Weintraub, qui fut la bougie d'allumage de ce projet, décédera d'un arrêt cardiaque à sa résidence de Santa Barbara en Californie à l'âge de 77 ans, forçant ainsi à Nolan et Joy de prendre le contrôle complet sur la série. Le générique d'ouverture sera conçu par l'équipe de Studio Elastic, déjà à l'origine de celui de Game of Thrones. Diffusée à l'automne 2016, la nouvelle série obtiendra alors d'excellentes cotes d'écoute ainsi que d'excellentes critiques. Une seconde saison de 10 épisodes seront alors demandées, cette dernière n'étant programmée qu'au courant 2018 à cause de la taille du projet et également due au fait que l'équipe de scénaristes voulait terminer l'écriture de tous les épisodes avant de commencer le tournage, vu la complexité de l'histoire et de ses rebondissements. Lorsque la série sera renouvelée pour une 3e saison, il sera alors annoncé que les producteurs avaient tracé une histoire qui se déroulerait sur 5 saisons. Suite à la conclusion de la 4e saison en 2022, la décision fut prise des exécutifs de la chaîne de streaming HBO Max d'annuler celle-ci, prenant plusieurs personnes par surprise. En effet, cette décision sera prise dans le cadre de coupures effectuées chez Warner Bros. Suite à sa fusion avec la compagnie Discovery. Suite à l'annulation de la série, cette dernière continuera de coûter énormément d'argent à HBO Max parce que le studio devra payer le salaire des acteurs et des producteurs pour la saison non réalisée liée aux obligations contractuelles que l'entreprise avait avec toutes ces personnes. C'est pour cette raison que la série ne sera plus disponible sur HBO Max, mais cette dernière sera alors revendue pour rediffusion aux chaînes de streaming Roku et Tubi. Durant ses 8 ans d'existence, la série Westworld amassera plus de 29 prix sur plus de 110 nominations à travers divers événements, dont 54 nominations seulement aux Emmy Awards. La série sera surtout soulignée pour la qualité de son écriture, sa production, sa distribution, la composition musicale, ainsi que les effets visuels impressionnants. Du côté des points forts pour Future World, eh bien la simplicité de l'histoire est nettement sauvée par la chimie remarquable entre les 2 acteurs principaux, soit Blythe Danier et Peter Fonda. Malgré le sujet réchauffé, les scénaristes réussissent tout de même assez bien à tisser une intrigue intéressante, dotée tout de même d'un assez bon suspense et d'un regard quelque peu inquiétant sur notre futur. Le réalisateur exploite très bien ici ses espaces de tournage, donnant ainsi un effet de grandeur et d'immensité à son visuel sans avoir nécessairement le budget pour le faire, tirant très bien à profit des emplacements fournis par la NASA. Le nouveau parc d'attractions de Delos est ici mieux exploité que dans le film original et le scénario fait bien de nous montrer les décombres de Westworld, faisant ainsi un beau clin d'œil au film original. Au niveau de la réalisation, le metteur en scène nous donne ici un meilleur rythme que Crichton sur le film original, ce qui donne l'impression que Future World passe plus vite que son prédécesseur malgré sa durée plus longue. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario contient des dialogues qui sont vraiment simplistes, ainsi qu'une intrigue facile et traditionnelle qui, par chance, ne fait que répéter ce qui avait été fait dans le volet précédent, mais qui a le courage au moins d'aller dans une direction totalement différente. Le retour de Briner ici est extrêmement décevant, ne se trouvant que dans les 5 minutes que dure le rêve du personnage de Tracy Ballard, une véritable déception de voir un acteur comme Briner être sous-utilisé de la sorte. Finalement, la conclusion du film est expéditive et facile, ce qui nous laisse sur une note bien qu'amusante, quelque peu frustrante, car on aurait aimé que celle-ci soit mieux retravaillée et peut-être d'avoir le mérite d'être beaucoup plus sombre. Du côté musical, eh bien, c'est encore une fois Fred Carlisle qui s'occupe de la musique. Lui qui avait travaillé sur Westworld, qui nous avait donné également la musique des films Yours, Mine and Ours et de Baby Maker. Je vous fais écouter ici la musique thème du film Future World. Thank you. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Westworld de 1973 4. J'y vais également avec un 4. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la Régie du cinéma a coté le film Général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques scènes de violence. On y va du côté de Future World, la version de 1976. Eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec un 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la Régie du cinéma a coté le film Général. J'y vais également avec une cote pour tous. Du côté de Beyond Westworld, eh bien, j'y vais avec une cote 6. En général, du bon côté de la série, il y a une bonne distribution qui est adéquate pour ce type de produit avec des bons effets visuels. Mais du côté des points faibles, eh bien, on a des dialogues et des scénarios qui sont véritablement simplistes, des histoires qui sont vraiment ridicules et traditionnelles. Il n'y a pas vraiment de lien qui se fait avec les deux films précédents. Ça nous donne un produit qui est vraiment incomplet et on peut comprendre pourquoi son auditoire n'était pas vraiment satisfaite de la série et donc à ce moment-là que ça a amené des mauvaises cotes d'écoute et sa cancellation. Du côté de Westworld, j'y vais avec une cote 3. Du côté des points positifs, j'y vais avec une qualité visuelle qui est vraiment impressionnante. On sent que cette série a du budget. Il y a une excellente distribution. Il y a une bonne attention qui est portée aux détails. Il y a également des twists et des surprises qui sont vraiment intéressantes. Et ça nous permet également d'avoir une série qui s'attarde un petit peu à l'intelligence artificielle. Un peu ce qu'on avait vu avec Battlestar Galactica, qui avait été débuté dans cette série. Là, mais qui est bien travaillé et bien complété dans Westworld. Cependant, au niveau des points faibles, eh bien, malheureusement, des fois, on a l'impression que le scénario est improvisé, qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on s'en va. Et je vous dirais aussi qu'un des gros problèmes, c'est cet aspect où est-ce qu'on va continuellement aller du présent au passé pour finalement mélanger son auditoire. Ça peut devenir très confus pour plusieurs personnes et qui apportera une certaine difficulté à écouter et à comprendre la série avec facilité. De plus, on va arriver à la saison 3, on change totalement de style, où est-ce qu'on va tomber dans un style Blade Runner, donc un style qui ne va pas nécessairement plaire à beaucoup de monde. Ça risque de faire décrocher beaucoup de gens, mais si vous toffez jusqu'à la 4e saison, ça mérite de vraiment tenir le coup, parce que c'est quand même une série qui va bien se compléter, malgré le fait que la série finit en queue de poisson. Moi, je trouve que la série se termine bien parce qu'on pourrait faire à ce moment-là une boucle avec la première saison et donc tout simplement repartir à la case départ. Donc, je trouve que dans les circonstances, on en est bien sorti malgré le fait que la série a été écourtée d'une saison. Une chose aussi qui est un point faible très fort dans cette série-là, il y a des bonnes idées, le scénario a bien été travaillé, sauf que par moment, on a l'impression que les auteurs aiment s'entendre et parler. Et donc, par le fait même, il y a beaucoup de bavardage inutile. Par moment, la série est très longue. Il y a des longueurs, mais je considère quand même Westworld quelque chose qui, au niveau télévisuel, est une série télé qui mérite d'être regardée. Au niveau musical maintenant, le film Westworld, eh bien, vous avez la trame sonore qui est sortie en CD le 3 février 2017. Ça s'appelle Archive Collection Westworld. Vous avez également un CD qui est sorti de Westworld, qui était une reproduction du vinyle et de la cassette 4 pistes qui était sortie dans les années 70. Donc ça, c'est sorti sous l'étiquette Chapter 3 Records le 10 octobre 2000. En passant, pour le Archive Collection, c'était l'étiquette Water Tower Music qui avait distribué le produit. Et pour la cassette et le vinyle, à l'époque, c'était l'étiquette MGM qui s'occupait de distribuer le produit. Pour Future World, bien, vous avez le Limited Edition qui est sorti à 1000 exemplaires sous l'étiquette Real Music Down Under. Ça, c'est sorti en septembre 2004. Et vous avez une autre trame sonore qui a été sortie par l'étiquette MGM Records. Ça a été sorti le 11 juin 2008. Donc, c'est la façon d'avoir accès à la musique de Westworld et Future World.